Des raisons de l'ouvrir. Des raisons de se faire la paix. Des raisons de se taire. De planer, de faire des étincelles. Des raisons de faire mentir ceux qui disent tu sais pas faire. Des raisons de lorgner vers ces déchirures, car c'est par les failles que passe la lumière. Des raisons de se faire la malle pour pas finir dans la cave. On en trouve à la pelle et au coup de sifflet, dans toutes les chapelles et toutes les mosquées. Le plus dur est d'en faire des raisons d'en avoir et des raisons d'être. Des raisons d'être en colère, car la vie est si difficile et ça nous met les nerfs. Des raisons de s'en sortir, car la vie est faite ainsi et ça sert à rien de partir. Des raisons de rester, car on n'a pas vraiment le choix. Alors on travaille pour avoir à manger et à toi. Ouais, mais j'arriverai pas comme ça. Des raisons de partir en vacances. Des raisons de partir en bateau. Pour enfin revoir sa famille. Pour voir d'autres raisons. Des raisons de vivre avec sa famille. Des raisons de revoir son pays. Des raisons de survivre à la vie. Oh, la vie est si bonne. Pour pouvoir la redonner. Des raisons de gagner au loto pour enflouer un peu nouveau. Des raisons d'écouter de la musique. Des raisons de gagner sa vie. Ou devenir amnésique. Pour ne dépendre de personne. Des raisons d'avoir une nouvelle chance. Des raisons de se taire pour que les gens ne soient pas trop terre à terre. Des raisons d'amuser la galerie pour éviter de dévoiler ma vie. Des raisons de sourire pour éviter de penser au pire. Des raisons de connaître ses voisins pour ne pas qu'ils vous prennent pour un chien. On en trouve à la pelle et au coup de sifflet, dans toutes les chapelles et toutes les mosquées. Le plus dur est d'en faire des raisons d'en avoir et des raisons d'être. On en trouve à la pelle et au coup de sifflet, dans toutes les chapelles et toutes les mosquées. Le plus dur.